Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. Mais aujourd'hui, c'est la journée des femmes, le 8 mars, qui est une journée internationale des femmes. Et au niveau de Bruxelles, il y a certaines activités qui ont été organisées déjà vendredi, la marche mondiale des femmes. Et aujourd'hui, c'est une marche organisée, marche non mixité femmes. Et donc, je suis présente ici parce que je me sens concernée par ce que vivent les femmes en général en Belgique, mais aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Nous, on est là pour défendre un ensemble de revendications qui sont très larges. Et on essaie d'être le plus inclusif possible parce qu'il y a vraiment énormément de diversité dans la population féminine de la Belgique. Mais une chose qu'on a tout en commun, c'est qu'on subit certaines contraintes, certaines discriminations, certaines violences. Donc, on essaie de se regrouper pour faire passer ce message. Il est vraiment temps que les choses changent et actuellement elles changent pour le pire avec le nouveau gouvernement. Traditionnellement, un gouvernement réac est un gouvernement qui fait beaucoup de mal aux femmes, économiquement, moralement aussi. Et donc on est là pour dire non à ça. Voilà. Hey girls, hey girls! Hey girls, hey girls! Don't take no shit! Don't take no shit! If men try to put you down! If men try to put you down! Moi, je fais partie des groupes féministes depuis les années 70. J'ai 64 ans et donc je suis une vieille féministe, la génération. Et ça, c'est chouette. Dans tous ces mouvements de femmes, il y a des femmes de 80 ans, quelques-unes. Et puis il y en a de 60 ans, de 40 ans, de 20 ans. Donc il y a quatre générations de femmes avec des problématiques différentes, mais toujours les mêmes dominations qui évoluent, et puis on avance, et puis on recule. Et donc, moi, je suis toujours dans les groupes. Alors aujourd'hui, c'est un groupe, c'est plutôt des jeunes féministes qui ont organisé. Donc moi, je suis un peu étonnée, par exemple, qu'elles n'ont pas envie d'avoir les hommes. Nous, on dit, mais les hommes, venez avec nous. Il y a des hommes féministes, et puis il y a des hommes qui pourraient devenir féministes. Nous, on est plus tous ensemble. Donc ça, moi, je suis un peu déçue, mais bon, pourquoi pas. Elles ont fait ce choix-là. Je suis quand même venue, et je suis contente d'être là. En plus, on a le soleil, donc on a la météo avec nous. Mais ça suffit. Solidaires, nous vaincrons ce gouvernement des patrons. Mais on réduit la femme à la marchandise, on ne sait plus vendre un parfum sans voir une femme à moitié à poil. Et donc, je pense qu'en tant que femme, nous ne pouvons pas accepter d'être considérées comme des objets. Et en tant que travailleuse, nous avons droit, au même droit que les hommes. Et donc, je pense que actuellement, et plus que jamais, les femmes doivent se prendre en charge. Et donc, quand on dit que c'est une question d'hommes et de femmes, je pense que c'est d'abord une question de femmes. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on devient femme. Ne me libère pas, je m'en charge. Ne me libère pas, je m'en charge. J'essaie de ne me libère pas, tout à je m'en charge. Exactement. Oh, la place, donc, attends, je vais prendre l'entreprise.